إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc c'est le cours 28 maintenant au sujet de نواقد الإسلام et on arrive maintenant au ناقد الثامن le huitième ناقد pardon التاسع le neuvième naqid, le neuvième point de ce qui annule l'islam d'un individu musulman. قال رحمه الله التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. Le neuvième point c'est celui qui croit que certains individus ont le droit de sortir de la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme Khidr est sorti de la charia de Moussa alayhi salam. Et celui qui croit ça, il est kafir. Ok, donc on va lire maintenant l'explication du Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là. La shakka, Cheikh il dit, la shakka anna Allah subhanahu wa ta'ala ba'ata Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam ila الناس كافة إلى عربهم وعجمهم كتابيهم وأميهم وإلى الثقلين الجن والإنس فأوجب على جميع الخلق من الجن والإنس اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من خصائصه كما قال صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وكما قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وقال عن اليهود والنصارى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون فأوجب الله على اليهود والنصارى أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأن ينصروه وأن يعزروه أي يوقروه عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي وبالذي جئت به Donc, l'introduction de ce point, le Cheikh Al-Fawzan, il dit que il n'y a pas de doute que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à toute l'humanité, aux Arabes et aux non-Arabes, aux gens du livre et aux gens qui n'avaient pas reçu de livre auparavant, et aux saqalayn, c'est-à-dire aux djinns et aux hommes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à tous les créatures, à tous les hommes, que ce soit des djinns ou des êtres humains, de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est une de ses caractéristiques particulières, c'est-à-dire une de ses particularités, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tous les hommes sont obligés de le suivre. Non, non pas seulement un peuple en particulier parmi d'autres peuples. Comme par exemple, le cheikh il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhu, il dit, les prophètes avant moi étaient envoyés chacun à un peuple en particulier, tandis que moi j'ai été envoyé à tous les hommes en entier. Et il mentionne des versets dans le Coran pour montrer ça, pour supporter encore plus ce point-là. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit comme par exemple dans Surah Saba, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous ne t'avons envoyé que pour tous les hommes. C'est-à-dire on t'a envoyé pour tous les êtres humains, comme annonciateur de bonnes nouvelles et comme avertisseur d'un châtiment. Ça c'est le verset 28 dans Surah Saba. Le verset 158 dans Surah Al-A'raf, le verset 158 dans Surah Al-A'raf parle aussi de ce point-là. 158. Le verset en français, le sens en français c'est « Dis aux hommes, je suis pour vous tous », c'est-à-dire Allah, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'adresser aux hommes et de dire « Je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre ». La ilaha illahu, rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah et en son messager, le prophète illettré, qui croit en Allah et en ses paroles. Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit également dans un autre verset au sujet des juifs et des chrétiens, c'est le verset juste avant, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile, il leur ordonne le ma'ruf, le bien, et il leur défend le munkar, c'est-à-dire le mal, ce qui est mauvais. Il leur rend licite les bonnes choses et il leur interdit les mauvaises. Et il leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croient en lui le soutiennent, lui porte secours et suivront la lumière descendue avec lui, ceux-là seront les gagnants. Donc ça c'est deux versets qui confirment ce point-là, et donc ça veut dire que les juifs et les chrétiens ont reçu l'obligation de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit même dans un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, لا يسمع فوالذي نفس محمد بيده لا والذي نفس بيده لا يسمع به يهودي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Par celui dont mon âme est en sa main. Il n'y a aucun parmi les juifs et les chrétiens qui entendent parler de moi puis qui meurt sans avoir cru en ce que j'ai amené comme message, excepté qu'il sera parmi les gens de l'enfer. Okay? Et donc ça c'est la preuve que le juif et les chrétiens sont obligés de suivre l'islam, de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand ils ont entendu parler de lui. Parce qu'il y a des gens qui pensent que l'islam c'est pas pour les juifs et les chrétiens. Les juifs et les chrétiens peuvent rester sur le christianisme et le judaïsme et que ça c'est correct pour eux. Ils sont pas obligés de se convertir à l'islam. Et ça, c'est une fausse idée de leur part. Le cheikh dit, وَرَأَى صلى الله عليه وسلم في يد عمر رضي الله عنه أوراقا من التوراة فاستنكر صلى الله عليه وسلم عليه ذلك وقال أمتهوكون يا ابن الخطاب لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر رضي الله عنه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu dans les mains de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu une page ou des pages de la Torah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réprimé ou réprimandé plutôt Omar ibn al-Khattab de ça. Et il lui a dit, oh fils de ibn al-Khattab, fils de al-Khattab, ibn al-Khattab, si mon frère Moussa était encore en vie aujourd'hui, il n'aurait pas d'autre choix que de me suivre. Ça veut dire que si le prophète Moïse alayhi salam était vivant aujourd'hui, il ne pourrait pas suivre autre chose que le Coran et la Sunna. hein, il serait obligé de suivre le Coran et la Sunna. Hein, il ne pourrait pas dire je vais suivre qu'est-ce que j'ai reçu auparavant comme révélation. Hein. Et ça c'est la preuve en même temps que des fois on dit quand on parle à des chrétiens que vos livres ont été falsifiés, ils ont été changés. Et donc c'est pour ça que on ne doit plus les suivre. Ça c'est un point qui confirme ou qui supporte le fait que yani, ils ne doivent pas être suivis. Mais même si leur livre n'avait pas été falsifié, même si leur livre était encore intact comme il avait été à l'époque de la révélation, on n'aurait pas non plus le droit de les suivre. Donc c'est important de comprendre ce point-là. Et Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il a répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Je suis satisfait d'Allah comme mon Rab, comme mon Maître, comme mon Seigneur, et je suis satisfait de l'Islam comme ma religion, et je suis satisfait de toi, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, comme mon prophète et mon messager. » Donc c'est pour dire qu'il s'est soumis automatiquement à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est rapporté dans la Musnad de l'imam Ahmad et également dans le livre As-Sunnah de l'imam Ibn Abi Asim et Al-Musannaf de Abdul Razak et Al-Jami' de Ibn Abdul Barr. Après le Cheikh il dit والله جل وعلا أخذ الميثاق على الأنبياء وأنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأحد منهم حي أن يتبعه. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا وأنا معكم من الشاهدين فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Donc le cheikh il dit que les prophètes d'Allah ont pris un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était envoyé aux hommes alors que l'un d'entre eux était vivant, qu'il n'aurait pas d'autre choix que de le suivre, c'est-à-dire de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il mentionne les versets 81 à 83 dans Surat Al-Imran. Et lorsqu'Allah prit cet engagement des prophètes, chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui et vous devez lui porter secours. Il leur dit, consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition? Ils dirent, nous consentons. Soyez-en donc témoins, dit Allah, et me voici avec vous parmi les témoins. Hein? Après il dit, quiconque ensuite tournera le dos, alors ce sont eux qui seront les pervers. Désire-t-il une autre religion que celle d'Allah, alors que se soumet à lui, bon gré, mal gré, qu'est-ce qui existe dans les cieux et sur la terre, et c'est vers lui qu'ils seront ramenés. Donc le cheikh il dit donc, فالأدلة واضحة في أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة وأن دينه ناسخ لجميع الأديان ولا تبقى دين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا دين الإسلام الذي جاء به ولذلك إذا نزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان فإنه يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ويحكم بشريعته شريعة الإسلام ويكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم فلا أحد يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم من الإنس والجن. قال جل وعلا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء فأولئك في ضلال مبين وقال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا Le Cheikh, il mentionne les versets par la suite, il dit donc la preuve est claire que le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est général pour toute l'humanité et qu'il vient abroger tout ce qui avait été révélé auparavant comme religion. Et donc aujourd'hui il ne reste rien d'autre que la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite le cheikh il dit que il n'y a que la religion de l'islam maintenant qui peut être acceptée, qui peut être valable. Et même lorsque le prophète Isa alayhi salam va descendre à la fin des temps, il va lui-même suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et juger selon sa charia, la charia de l'islam, et il va suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc personne n'a le droit de sortir de la charia du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de la législation qui a été ramené par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la part d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit parmi les hommes ou qu'il soit parmi les djinns. Et le cheikh maintenant il mentionne les versets qui montrent que même les djinns suivaient l'ordre et la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il mentionne le verset 29 à 32 dans surat Al-Ahqaf. Il dit, rappelle-toi lorsque nous dirigeâmes vers toi une troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran. Quand ils assistèrent à sa lecture, ils dirent, écoutez attentivement. Puis quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseurs. Ils dirent, ô mon peuple, nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après Moïse, confirmant ce qui l'a précédé, il guide vers la vérité et vers un chemin droit. Ô notre peuple, répondez aux prédicateurs, au da'ya d'Allah, et croyez en lui, il vous pardonnera une partie de vos péchés et vous protégera contre un châtiment douloureux. Et quiconque ne répond pas au prédicateur d'Allah ne saura échapper au pouvoir d'Allah sur la terre. Et il n'aura de protecteur en dehors de, il n'aura pas de protecteur en dehors de lui, ceux-là sont dans un égarement évident. Et ensuite il mentionne le verset 1 dans Surat Al-Jinn. En fait, c'est une sourate au complet révélée au sujet des djinns, en fait. Et ça dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dire, nous avons certes entendu une lecture merveilleuse, c'est-à-dire le Coran. Et donc, tout ça, c'est des versets qui montrent que même les djinns, non seulement les êtres humains, mais même les djinns, que certains êtres humains adorent, parmi les égarés, puis parmi les mouchikins, ils adorent les djinns, même eux, ils ont l'ordre de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh dit, « Suratul Jinn, fiha umum risalati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lil jinn, fa risalatuhu sallallahu alayhi wa sallam amma ila thaqalain, tajibu ta'atuhu ala jami'il wal jinn. Wa man lam yastajib, wa lam yattabi'hu, fa huwa min ahlil nar, qat'an, li'annahu kafirun billahi wa birasulih. صلى الله عليه وسلم. فالذين يقولون إنه يسع أحدا الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم يستدلون على هذه بقصة الخضر مع موسى عليه السلام. فقصة الخضر كما ذكرها الله في القرآن في سورة الكهف أن موسى عليه السلام قام خطيبا في قومه فسألوه هل هناك من هو أعلم منك على وجه الأرض؟ قال لا، قال لا، قال الله تعالى إن لي عبدا من عبادي في أرض كذا وكذا عنده علم ليس عندك. فذهب موسى إلى ذلك العبد يطلب العلم عنده. قال تعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. إلى أن وصل إلى الأرض التي فيها الخضر فقال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. يعرض عليه ما يأتيه بالغلظة والشدة وإنما يعرض عليه وما يأتيه بالغلظة والشدة وإنما يتأدب المتعلم مع العالم هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا إلى آخر القصة التي فيها خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار واستغراب موسى عليه السلام هذه الوقائع لأنه لم يكن يعلم أسبابها بين له الخضر لماذا عمل هذه الأعمال وأن هذا بأمر الله تعالى وقال وما فعلته عن أمري بل هو من أمر الله سبحانه وتعالى قال وقال لموسى إنني على علم علمنيه الله ليس عندك وإنك على علم علمك الله إياه ليس عندي ok donc le cheikh explique maintenant que dans donc sourate al jin elle est au complet à propos de du message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour les djinns et le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam est général pour les djinns et les hommes et donc c'est obligatoire pour les djinns et les hommes de l'obéir et celui qui ne répond pas à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de le suivre et de l'obéir et qui ne le suit pas alors il sera parmi les gens de l'enfer et ça c'est quelque chose de certain parce qu'il a mécru en Allah et en son messager. Et donc, le cheikh il dit, quiconque pense qu'il est permis à quelqu'un de sortir de la charia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui cherche à utiliser comme preuve l'histoire de Khidr avec Moïse, Moussa alayhi salam, alors bien entendu c'est pas un argument pour lui, et c'est une fausse argument. Il dit parce que l'histoire de Al-Khidr, comme Allah subhanahu wa ta'ala il l'a mentionné, dans le Coran, c'est que dans Surat Al-Kahf, vous connaissez tous cette histoire, Moussa il s'est levé puis il a commencé à s'adresser à son peuple et son peuple lui a demandé « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus de connaissances que toi ?» et c'est-à-dire sur la terre, est-ce qu'il y a quelqu'un de plus savant que toi sur la terre ? Et il a répondu « Non ». Alors Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Moussa « Oui, il y a un serviteur dans tel endroit qui a plus de savoir que toi. » Alors, Moussa, alayhi salam, il a voulu partir et chercher la science auprès de cette personne qui avait plus de science que lui. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne toute cette histoire dans Surat al-Kahf, qui commence à partir du verset 60, jusqu'à ce qu'il rencontre par la suite Khidr. Et quand il a rencontré Al-Khidr, il lui a demandé d'une façon très polie, sans utiliser la dureté, sans être dur et c'est-à-dire il a fait preuve de bonne manière en s'adressant aux savants. Et ça c'est l'attitude de l'étudiant quand il veut chercher la science, il doit avoir un bon comportement et être poli envers son professeur. Et donc le chef il mentionne, il dit que Moïse est venu et il a dit à Khidr, est-ce que tu me permets de te suivre pour que tu puisses m'apprendre un peu de ce que tu as reçu comme science et donc Khidr lui a répondu en lui disant, tu ne seras pas capable de me suivre et d'endurer, et d'être endurant, de me suivre et de patienter. Et donc ça c'est l'histoire que vous connaissez jusqu'à la fin. Et par la suite il a fait le trou dans le bateau. Il a tué le jeune garçon et il a redressé le mur. Et à chaque fois que Khidr faisait une de ces choses-là, Moussa était étonné de ça. Il comprenait pas pourquoi Khidr faisait ces choses-là. Et Khidr lui a répondu parce que pourquoi Moussa était surpris, parce que Moussa comprenait pas c'est pour quelle raison Khidr faisait ces choses-là. Il comprenait pas la cause. Et donc le cheikh il dit que Khidr lui a expliqué par la suite pourquoi il avait fait chacune de ces choses-là et il lui a dit que c'était par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il avait exécuté ces choses-là. Et il le dit même la citation dans le verset 82, « وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي » je ne l'ai pas fait selon mon propre ordre. Ce n'est pas moi-même qui a choisi de faire ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a ordonné de faire ça. Donc il a agi selon le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala et il a dit, il a dit à Moïse, toi, moi, je me base sur une science que Allah m'a enseignée, que toi tu n'as pas, et toi, tu as une science avec toi que Allah t'a enseignée et que moi je n'ai pas. D'accord? Donc, c'est-à-dire chacun d'eux avait une connaissance de Dieu, qui venait de Dieu, que l'autre n'avait pas. Après, le cheikh il dit, وَقَدْ اِخْتَلَفُوا فِي الْخِدْرِ هَلْ هُوَ نَبِيٌ أَوَّلِي عَلَى قَوْلَيْنِ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَنَّهُ نَبِيٌ لأن هذه الخوارق من المعجزات التي لا تكون إلا لنبي والقول الثاني أنه ولي وليس نبيا وهذه الأمور كرامات من كرامات الأولياء فليست من المعجزات والأولياء تجلي على أيديهم كرامات وخوارق للعادات ثم هل الخضر حي أو ميت الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة أنه ميت قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون الله جل وعلا أخبر أنه ليس لأحدنا الخلد في من هذا الخلق وأن الخلق كلهم يموتون كل من عليها فان دونك لشيخ الدين والخضر عبد من عباد الله كل نفس ذائقة الموت والخضر عبد من عباد الله من بني آدم يأتي عليه الفناء كغيره ثم لو كان حيا لما وسعه إلا أن يأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويتبعه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة فلو كان حيا حين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا جاء إليه واتبعه ولم يذكر أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على أنه ميت وهذا هو القول الحق أما من يقول إنه حي فليس له دليل واضح Le Cheikh il répond et il dit qu'il y a une divergence d'opinion sur la question de Khidr. Est-ce que c'était un prophète ou est-ce que c'était un homme pieux? Et il y a deux positions. La première position c'est que c'était un prophète parce qu'il faisait des miracles. Hein, ce qu'il a fait c'était des miracles et ça c'est juste pour un prophète. C'est juste un prophète qui peut faire ça. Et la deuxième position c'est que non, c'est pas un prophète, c'est un wali. C'est-à-dire c'est juste un homme pieux parmi les hommes pieux et il n'était pas un prophète. Et les choses qu'il a fait, c'était des karamats. C'est comme des prodiges, yani. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il permet à certains hommes pieux parfois que des prodiges se produisent, yani, de leur part, yani, hein, des genres de miracles. Mais c'est pas de la même catégorie que les miracles des prophètes. Mais c'est des choses qui sont hors de l'ordinaire que ces hommes-là, parmi les hommes pieux, peuvent faire. Et c'est un signe que, en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala leur permet de faire ça parce que ce sont des hommes pieux et c'est comme pour confirmer la véracité du message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que Allah permet à certains personnages pieux de pouvoir faire ces choses-là. Après le cheikh se dit, est-ce que Al-Khidr est vivant ou mort? Est-ce que Al-Khidr est vivant ou mort? Le cheikh se dit, les preuves au sujet de cette question-là montre qu'il est mort. Les preuves correctes et les preuves authentiques à ce sujet-là montrent que Khidr, il est mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, on n'a pas donné à aucun homme l'éternité. C'est-à-dire, on n'a pas fait qu'un homme puisse vivre éternellement. Hein. Et si toi tu meurs, est-ce que eux vont rester pour toujours? C'est une question qu'Allah pose pour montrer que chacun des êtres humains, tous les êtres humains vont mourir un jour. Ça, c'est le verset 34 dans Surat Al-Anbiya. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a informé qu'il n'y a pas donc un seul homme qui va être éternel parmi les créatures. Ils vont tous mourir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aussi dans Surat Al-Rahman, le verset 26, que tout ce qui est sur la terre va périr. Tous les êtres humains qui sont sur la terre, tous les êtres vivants sur la terre vont mourir. Kullu man 'alayha fan. Donc ça veut dire tous les êtres vivants vont périr, les êtres humains vont périr. Et Al-Khidr fait partie des serviteurs d'Allah et des êtres humains aussi. Donc comme les autres citadins, il faut qu'il périsse un jour, et comme tous les autres. Et aussi, il dit un autre argument qui est vraiment solide comme argument pour répondre à ça, c'est que le cheikh il dit que si, supposons qu'il était vivant, hein, disons qu'il était vraiment vivant encore. S'il était vivant, alors dans ce cas-là, il n'aurait pas le choix d'avoir été vivant à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il était vivant à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc dans ce cas-là, il n'avait pas le choix d'aller voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de le suivre. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à tous les hommes, contrairement au prophète qui était avant, qui avait été envoyé à un peuple en particulier. Et donc, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu, c'était son devoir de venir voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de suivre son message. Mais on n'a jamais mentionné, on n'a jamais entendu que Khidr était venu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour se convertir ou pour accepter l'islam de lui. Et donc ça c'est la preuve qu'il est mort. C'est la preuve que Khidr est mort. Et ça c'est la position de vérité à ce sujet-là. Et ceux qui disent qu'il est vivant, alors ils n'ont pas une preuve claire, tranchante à ce sujet-là pour dire qu'il est encore vivant. Après le cheikh dit والعجيب أن هناك رسالة نسبت إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فيها أن الخضر حي وقد طبعت في مجموع الرسائل خطأ وبينما له رسالة أخرى تنفي حياة الخضر وهي في مجموع الرسائل أيضا. هذه الرسالة التي نسبت إلى شيخ الإسلام في حياة الخضر غير صحيحة، ولو كانت صحيحة فالاعتماد على الرسالة الثانية التي تابع فيها الأدلة والإنسان إذا كان له قولان أحدهما موافق للأدلة والثاني مخالف فأخذ بالذي يوافق الأدلة. لشيخ الزي في إتنا que tu trouves deux petits écrits de Ibn Taymiyyah, des textes qui ont été écrits par Ibn Taymiyyah et qui sont publiés dans Majmou' al-Rasa'il, Majmou' al-Fatawa, en fait, Majmou' al-Fatawa. Et il y a deux textes qui ont été écrits par Ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa. C'est le volume 4 à la page 337 et l'autre, le volume 4 à la page 338, d'accord, 337 et l'autre c'est à la page 338, c'est deux petits textes écrits à ce sujet-là. Il y en a un qui défend que Khidr est vivant et l'autre qui défend que Khidr est mort. Et le cheikh dit que celle qui dit que Khidr est encore vivant, il dit que ça c'est une erreur, cette lettre a été attribuée à Ibn Taymiyyah par erreur, il dit, et même si elle n'était pas faussement attribué, c'est-à-dire même s'il était vraiment de lui, lorsqu'on trouve deux positions chez un savant, le même savant qui a deux positions contradictoires, et il dit dans ce cas-là, on doit suivre celle qui est en accord avec les preuves, et celle qui est contraire aux preuves, on doit la rejeter. Le cheikh dit, « وَلِمَاذَا لَمْ يَتَّبِعْ الْخِدْرْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ » Pourquoi, donc on va poser la question maintenant, pourquoi Khidr n'avait pas suivi Moïse, hein, à l'époque de Moïse, pourquoi Khidr n'avait pas suivi Moïse puisque c'était le messager d'Allah à cette époque. Le cheikh il répondit, al-jawab, anna Moussa alayhi salam laysat risalatuhu amma, fa risalatuhu khassa li bani Israël, wa lam yursal ila nasi kaffatan, fa huwa ka ghayrihi min al-anbiya qabla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, رسالتهم خاصة إلى أقوامهم. قال صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. فموسى عليه السلام إنما بعث إلى بني إسرائيل ولم يبعث إلى الناس كافة. فلا يقال أن الخضر خرج عن شريعة موسى لأنه لم يكن من أمة موسى أصلا حتى يقال خرج. Le cheikh il dit, la réponse à cette question, pourquoi Khidr n'a pas suivi Moïse, c'est que déjà Moïse, son message n'est pas général, c'est-à-dire son message n'est pas pour toute la création, pour tous les êtres humains. Donc son message est particulièrement pour les fils d'Israël, ok? Et il n'a pas été envoyé pour tous les hommes. Donc, comme tous les autres prophètes qui ont été envoyés avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son message était spécifiquement pour le peuple d'Israël, pas pour tous les hommes sur la terre à l'époque. Hein? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les prophètes avant moi étaient envoyés pour leur peuple en particulier, tandis que moi j'ai été envoyé pour tous les hommes sur la terre. Et donc Moïse n'avait pas été envoyé excepté pour les gens d'Israël, le peuple d'Israël, et non pas pour tous les hommes. Alors, comment pourrait-on dire, hein, ou bien on ne peut pas dire que Khidr est sorti de la charia de Moïse parce qu'il ne faisait même pas partie du peuple de Moïse en partant à la base, il ne faisait pas partie du peuple de Moïse. Donc comment pourrait-on dire qu'il est sorti de la charia du peuple de Moïse, hein? C'est pas possible de dire ça puisqu'il ne faisait pas partie des fils d'Israël. والخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أنواع. Donc ça c'est en fait le chef il mentionne cet exemple là, c'est comme un argument en fait pour répondre à ceux qui prétendent qu'ils peuvent prendre l'exemple de Khidr avec Moïse pour faire la même chose avec la charia du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. Parce que il y a parmi les soufis, hein, des groupes de soufis qui disent on a le droit de sortir aux certains individus quand ils atteignent un certain degré de certitude, comme ils disent eux, al-yaqin, quand tu arrives à al-yaqin, tu n'es plus obligé de suivre la charia. Tu dépasses la charia, tu rentres dans al-haqiqa, tu rentres dans la réalité maintenant. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme celui qui a rencontré Khidr à l'époque de Moïse, il a rencontré Khidr, et Khidr ne suivait pas la charia de Moïse. Donc, celui qui est aujourd'hui, qui vit à notre époque, soi-disant qu'il a atteint ce degré-là, ou bien qu'il prétend qu'il a rencontré Khidr, il n'a plus besoin de suivre la charia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est faux, parce que contrairement à la charia de Moïse qui était uniquement pour le peuple d'Israël, la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas uniquement pour un peuple en particulier, mais il est pour tous les peuples. Et même si Khidr était encore en vie aujourd'hui, il ne serait pas permis pour lui de faire autre chose que ce qui est ordonné et révélé par la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a personne qui peut sortir de la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à notre époque. D'accord? Donc l'argument de ces soufis, hein, elle ne tient pas, yani. Et donc le cheikh dit qu'il y a plusieurs catégories de façons de sortir de la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il en énumère quelques exemples. Il dit minhu ma huwa kufr wa minhu ma huwa dalal duna kufr. Il y en a des catégories de choses qui sortent de la charia. Il y en a des catégories qui sont kufr, qui font sortir de l'islam complètement, et il y en a des catégories qui sont dalal, qui sont des formes d'égarement, mais pas nécessairement kufr. D'accord? Le cheikh dit ومنه خروج كلي ومنه خروج جزئي فالذي يخرج من الشرع او عن شيء منه ويستحل ذلك فانه يكفر والذي يخرج ولا يستحل الخروج فهذا ضال وليس بكافر. Le cheikh dit il y a une catégorie de khuruj qui est total, complet, ça c'est quelque chose qui bien entendu, le cheikh dit, celui qui il y a un khuruj qui est total et complet, et un khuruj qui est partiel, ou de sortir d'une partie de, ou d'une catégorie, ou de quelque chose de la charia. Le cheikh il dit, celui qui sort de la charia, ou d'une chose de la charia, et qu'il rend ça halal, et qu'il dit que c'est permis, alors il est kafir. Toutefois, celui qui sort, mais qui ne rend pas ça halal, hein, qui sort de quelque chose de la charia mais qui ne le rend pas halal, alors lui c'est un égaré mais il n'est pas kafir. Ok? والذين يقولون إن بعض الناس يسعهم الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما خرج الخضر عن شريعة موسى موجودون وهم غلاة الصوفية فهم يقولون إن الصوفي إذا بلغ مرتبة من المعرفة بالله فإنه ليس بحاجة إلى الرسول لأنه وصل إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى العوام وهؤلاء خواص وقد وصلوا إلى الله وليسوا بحاجة إلى رسول. Donc le cheikh il dit ici que ceux qui disent que certaines personnes ont le droit de sortir de la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme Khidr est sorti de la charia de Moïse, ces gens-là existent aujourd'hui encore. Hein, et ce sont les soufis, les extrémistes parmi les soufis. Et en passant, les soufis, il y en a qui essaient de faire croire ou de dire qu'il y a des bons soufis et il y a des mauvais soufis. Et la réalité, c'est qu'il n'y a pas cette division-là. C'est-à-dire, c'est pas vrai qu'il y a des bons soufis et des mauvais soufis. Hein. La réalité, c'est quoi? C'est qu'il y a des degrés d'égarement parmi les soufis. Mais tous les soufis, toutes les turcs soufis aujourd'hui, sont toutes dans la bid'a. Sont tous des mubtadi'a. Ils ne font pas partie de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Ils sont des mubtadi'a. Toutefois, il y a des degrés parmi les soufis. Il y en a qui sortent de l'islam complètement, comme ceux qui croient en Wahdatul Wujud ou en l'Ittihad, que Dieu est tout et que tout est Dieu, ou que Dieu entre dans certains individus ou dans certains hommes, hein, et qui croient par exemple que leur cheikh connaît le ghaib, que leur cheikh connaît l'inconnu ou l'invisible, ou que certains individus, quand ils ont atteint le degré de yaqin, ils peuvent sortir de la charia. Tout ça, c'est des exemples de choses qui font sortir de l'islam, d'accord? Et il y a beaucoup d'autres choses aussi. Il y en a qui croient que leur cheikh, il peut même aller, comme j'avais expliqué dans d'autres cours, ils peuvent aller voir dans Allah al-Mahfouz qu'est-ce qui est écrit, hein, et ils connaissent donc le ghaib. Ils n'ont pas besoin de passer par le Coran et la Sunna comme chacun d'entre nous. D'accord? Le cheikh ici, il explique, il dit donc, bon, pour compléter l'explication à propos des soufis, ça c'est un extrémiste parmi les extrêmes parmi les soufis qui sortent de l'islam. Maintenant, il y a des soufis qui ne sont pas en dehors de l'islam, mais qui sont des mubtadi'a, hein, parce qu'ils font des adorations et des formes d'adoration qui sortent de la sunna, qui ne sont pas de la sunna. Et ceux-là ne sont pas en dehors de l'islam, mais ils ne sont pas dans la sunna, ils sont des mubtadi'a, d'accord? Mais il n'y a pas une catégorie de soufis qui est correcte ou qui te dit qu'ils sont dans la sunna. Ça n'existe pas. Et si elle existe, il faut que quelqu'un m'amène soit le nom de la tariqa et le nom de leur cheikh pour qu'on puisse savoir vraiment est-ce que ce qu'il prétend est vrai. Parce que dans la réalité, dans l'expérience, et d'après ce que les ulama ont expliqué, il n'y en a pas de cette catégorie-là, même si certains prétendent qu'ils existent. Le cheikh ensuite, il dit que ces soufis-là, parmi les extrémistes, eux, ils disent que le soufi, lorsqu'il a atteint un niveau de connaissance d'Allah, il n'a plus besoin du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que lui, il est arrivé directement à Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Hein, et le messager, lui, il était envoyé uniquement pour les gens ordinaires, les gens simples, les gens qui n'ont pas été initiés au secret, hein, de la tariqa. Toutefois, les gens, eux, sont les élites, les particuliers, al-khawas. Donc eux, ils n'ont pas besoin de prophète, ils vont directement à Dieu, hein, ils ont une connexion directe. Hein, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin d'un prophète ou d'une sunna ou d'un Coran pour connaître la révélation de Dieu, ils connaissent Dieu par leur cœur, hein, directement. Et donc ça c'est des exemples de ce que ces gens-là disent. Hein. Ils croient qu'ils peuvent sortir de la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent « ilmana » من الله مباشرة وأنتم تأخذون علمكم عن الأموات ميت عن ميت يعني الأحاديث والأسانيد أما نحن فنأخذ عن الله كما يقولون الشيخ dit que les soufis ils disent nous on prend notre science directement de Dieu tandis que vous prenez votre science يعني des morts. Dans quel sens ils veulent dire ça? Dans le sens que nous on prend notre science des hadiths, hein, et des asanides, des chaînes de narrateurs, et ceux qui nous ont transmis ces hadiths-là aujourd'hui sont morts. Donc il dit, vous prenez votre science des morts, nous on l'apprend directement de Dieu. Et c'est une chouba en fait qu'ils disent en fait quand ils disent ça. Et le chef il dit, nous on prend directement de Dieu. Après il dit, بل إنهم يقولون إن التكاليف تسقط عنهم لأنهم وصلوا إلى الله. فلا يصلون ولا يعبدون الله عز وجل والعبادة إنما هي للعوام عندهم وكذلك لا يحرم عليهم شيء والأوامر والنواهي والحلال والحرام هي للعوام وإنما للذين لم يصلوا أما هم فقد وصلوا وليس في حقهم حلال ولا حرام فيستبيحون الزنا واللواط والمحرمات donc le chef il explique et il dit que parmi eux il y en a qui disent que toutes les choses qui sont obligatoires ou interdites ne s'appliquent pas à eux, yani eux pour eux ils sont en dehors de ces limites là, ils n'ont plus besoin de se limiter à la charia, donc ce qui est haram ils peuvent le faire et ce qui est obligatoire ils n'ont pas obligé, ils sont pas obligés de le faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés, ils ont atteint le niveau le plus haut, ils sont arrivés à Dieu. Donc tu les vois parfois, certains parmi ces gens-là, ils font pas la salat, ils adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala, يعني والعبادة إنما هي للعوام ils font des adorations, ils disent que l'adoration c'est juste pour les gens ordinaires. Et parfois vous allez voir parmi ces soufis-là, ils prient, ils jeûnent devant les gens, juste pour se donner une crédibilité, pour pas que les gens ordinaires commencent à les critiquer pour dire ah lui il prie pas, des trucs comme ça. Mais quand ils sont tout seuls avec leurs adeptes, leurs fidèles dans leur groupe, ils prient pas, ils font pas les adorations. Hein. Et donc, yani, ça c'est des exemples de ces gens-là. Yani, ils prennent l'islam comme une truc de philosophie, comme une spiritualité. Hein. Ils parlent de, même quand ils parlent du soufisme de l'islam, ils disent la spiritualité, hein, le mysticisme, la mystique musulmane. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Et donc, yani, ils ne font pas la salade, ils ne font pas le hajj, ils ne font pas les obligations. Et il y en a qui nient ça, il y en a qui disent non, les vrais soufis, ça c'est pas les vrais soufis, ça c'est les faux soufis qui disent ça. Les vrais soufis, eux ils prient, ils jeûnent, ils font l'ibadat et tout. Et quand ils disent ça en fait, c'est pour lancer de la poudre aux yeux aux gens. Parce que c'est sûr que le nouveau soufi, le petit initié qui vient faire donner la baie au cheikh au début, ils lui disent pas ces choses-là tout de suite. C'est juste quand il arrive à un degré dans le soufisme, là après, on lui apprend ces choses-là par la suite, quand il est complètement, comme on dit en anglais, brainwashed, hein, comme il a eu un lavage de cerveau complet, là après on commence à lui dire ces choses-là, mais pas au début. Donc il y a ça. Puis aussi, même s'ils veulent nier ces choses-là, leurs livres sont remplis d'histoires de ce genre, qui parlent de leur cheikh, qui disent que leur cheikh il faisait pas la salat, il dormait dans les poubelles, il vivait avec les chiens, ou des trucs comme ça, il se purifiait pas des najasat. Même il y en a qui disent que leur cheikh il restait, comme j'avais expliqué une fois, il dit parmi leurs awliya, il y en a un qui restait 40 ans avec le même moto. Comment est-ce possible, hein? Ah bon, c'est ça. Donc c'est une histoire que ces gens-là racontent. Ça prouve que ces gens-là, ils ne se purifient pas. Ils ne faisaient jamais le wudu, ils ne faisaient jamais le rousseau. Ils restaient 40 ans comme ça, et non, j'ai mon wudu. C'est-à-dire, il n'a pas dormi, il n'est pas allé aux toilettes, il n'a pas passé de gaz, il n'a pas eu de rapport sexuel s'il était avec sa femme. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un être humain. Hein. Peut-être que c'était un djinn, alhamdulillah. Donc, ça, c'est des exemples de racontage que ces gens-là disent non. Les obligations et les interdictions, ça c'est pour les gens ordinaires, les musulmans simples qui connaissent pas la vérité. Nous, on est arrivé à la réalité de l'islam, donc tout ce qui est interdit, tout ce qui est haram, on peut le faire, et tout ce qui est obligatoire, on n'est pas obligé de le faire. Hein. Et donc, eux, ils disent donc que tout ça c'est permis pour eux. Après, ils disent, voyez à Colom, « Nahnu ma'alayna tashrim, wa wasalna ila rayati » إلى غاية تخرجنا من دائرة التكليف وهم في الحقيقة قد سبقوا لأنهم خرجوا عن دائرة التكليف إلى دائرة المجانين لأن من بلغ هذا الحد فهو مجنون ليس عليه تكليف أما أنه ليس عليه تكليف من الله لأنه وصل فهذا افتراء على الله عز وجل وكفر برسالات الله فلا أحد يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم مهما بلغ من العبادة والعلم والمعرفة بالله بل كلما زاد علمه فإنه تزيد طاعته واتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم فيجب عليه من الطاعة والاتباع أكثر مما يجب على غيره ممن لا يعلم. Le cheikh il dit que certains d'entre eux, comme on a dit tout à l'heure, qu'ils disent qu'il n'y a rien qui est interdit pour nous, parce qu'on est arrivé à ce degré-là. Et ils ont sorti du degré de qu'est-ce qu'on appelle « at-taklif ». « At-taklif », ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu atteins l'âge de puberté et que tu as ta raison, à ce moment-là, ça devient obligatoire pour toi de respecter les règles de la charia, de te limiter à la charia. On appelle ça « at-taklif ». C'est-à-dire que tu deviens une personne responsable, d'accord? Eux ils disent, eux ils prétendent que non, ils sont sortis de At-Taklif, ils sont sortis de ce cercle-là, de At-Taklif. Et le chef il dit oui c'est vrai, ils sont sortis vraiment de At-Taklif, pourquoi? Parce que ça c'est la parole des gens fous, hein. Et quand quelqu'un il est devenu fou, il n'a plus de At-Taklif, ok? Parce qu'une des conditions pour être mukallaf, c'est qu'il faut être pubère, il faut avoir sa raison, hein, et il ne faut pas être endormi, donc tout ça c'est des conditions pour être mukallaf. Et eux, s'ils disent des paroles comme ça, ça veut dire qu'ils ont perdu la raison, donc ils ne sont plus parmi les mukallafin. Et donc, le cheikh, en fait, il dit ça pour expliquer que ces gens-là, en fait, ils sont loin de la raison quand ils parlent de cette façon-là. Et le cheikh, il dit, si c'est pour expliquer comment ils sont sortis du cercle de Taklif, c'est parce qu'ils sont fous, parce que autrement, il n'y a pas d'autre façon de sortir du taklif, excepté si c'est le kufr. Yani. Tu veux sortir du taklif, c'est parce que tu sors de l'islam en entier. Il dit, personne n'a le droit de sortir de la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, peu importe le degré qu'il a atteint dans l'adoration et dans la science. Hein, parce que les soufis, eux, ils prennent un verset, par exemple, dans le Coran qui dit, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que tu aies atteint al-yaqin, c'est-à-dire pour eux la certitude. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font toutes sortes d'exercices soi-disant spirituels que leur chef leur a prescrit. Hein, ils disent, bon, par exemple, tu dois faire combien, tel dhikr, 1000 fois après telle prière, tu dois faire telle chose, tu dois faire, il y a toutes sortes de trucs, de bid'a qu'ils vont inventer. Puis tu dois vivre d'une certaine façon et faire certaines choses et aller vivre dans parfois ils doivent s'humilier, se rabaisser et tout. En tout cas, faire des trucs comme c'est mentionné dans leur livre. Et puis après, quand ils ont fait ça pendant très très très très longtemps, et bien là supposément qu'ils atteignent ce degré-là, et là ils n'ont plus besoin de faire ces prières-là. Mais ça c'est des exercices qu'ils appellent des exercices spirituels qu'ils doivent pratiquer. Et quand ils ont atteint ça, ça y est, ils ont fait leur effort, ils ont atteint la certitude, mais eux, c'est plus obligatoire. Le cheikh, il dit, c'est le contraire en réalité. C'est que plus une personne augmente en science et plus une personne fait des adorations, eh bien, dans ce cas-là, ça veut dire que son obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa façon de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit augmenter aussi. Hein, c'est pas le contraire. C'est pas plus tu augmentes, plus tu t'élèves, tu te rapproches d'Allah, moins tu obéis, plus tu fais des péchés. Non, c'est le contraire. Donc le cheikh il dit, et donc c'est obligatoire pour la personne qui augmente en adoration et en connaissance d'augmenter également en obéissance et en dans le sens de dans l'obligation de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à celui qui a moins de sens que lui. Hein, وهذا معنى قول الشيخ من زعم أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فمن زعم ذلك فهو مرتد عن دين الإسلام لأنه كفر بالقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم فكفره بالإجماع وغلاة الصوفية وما أكثرهم اليوم في كتبهم من الخرافات والأكاذيب والجراءة على الله ورسوله الشيء الكثير وقد رد عليهم أهل العلم وأبطلوا ترهاتهم وشبهاتهم ومن أقوى من رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله وقد رد عليهم جماعة من العلماء المعاصرين كعبد الرحمن الوكيل رحمه الله في كتابه اسمه مسرع التصوف لشيخ الزيدونك. Tout ce qu'on a expliqué maintenant, ça explique la parole du Cheikh Mohammed Abdul Wahhab qui dit: quiconque croit qu'il est permis pour lui de sortir de la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Alors, le cheikh dit, quiconque croit ça, alors il est murtad, c'est-à-dire son apostat qui a quitté la religion de l'islam, parce que il a mécru en le Coran, il a mécru en la Sunna, et sa mécréance est établie par le consensus de la Ummah. Et le cheikh dit que les extrémistes parmi les soufis, et ils sont très nombreux aujourd'hui, eh ben, dans leurs livres, il y a des superstitions et des mensonges et des affronts contre Allah et contre son messager très, qui sont innombrables dans leurs livres. Et les savants ont réfuté ces choses-là avec le ilm, et ils ont montré la fausseté de leurs shubuhat. Et un des plus puissants parmi les ulama qui ont réfuté les soufis, c'est Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, et son élève Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. Et vous trouvez maintenant aujourd'hui parmi des gens, yani de bid'a, qui essaient de prétendre qu'Ibn Taymiyyah était lui-même un soufi. Hein? C'est vrai, yani, y a des gens qui disent des choses pareilles. Et c'est étonnant de lire ça. Il y en a même qui prétendent que les quatre imams du Madahib étaient des soufis. Et même il y en a qui sont allés plus loin que ça pour essayer de dire que les Sahaba étaient des soufis. Yani, alhamdulillah. Donc, alhamdulillah, l'imam Ibn al-Jawzi dans son livre Talbis Iblis, il a réfuté tout ça. Hein, et Talbis Iblis, c'est un livre, je peux dire peut-être plus que, disons, trois quarts du livre, c'est réfutation du soufisme. Hein. Au début, il réfute les Shia, les Khawarij, les Batiniya et les autres sectes. Et tout le reste du livre, presque, c'est pour réfuter les soufis. Et dans ce livre-là, il réfute tous ces points-là à propos de ce que ces soufis-là prétendent. Et il y a aussi le livre du Cheikh Rabi al-Madkhali, Kashf Zayf al-Tasawuf, et c'est un des meilleurs livres que j'ai trouvé qui réfute ces nouveaux-là, qui parmi les gens qui se prétendent faire partie de Ahl Sunnah wal Jama'a aujourd'hui, et qui essaient de défendre le soufisme au nom de la Sunnah, hein, qui disent qu'il y a des sunnis parmi les soufis, et qu'ils sont en accord avec la Sunnah, ils sont des vrais soufis. Et qu'il y a les mauvais soufis, puis il faut faire la distinction entre les deux. Le Cheikh Rabi, il les a réfutés. Puis il a réfuté également ceux qui prétendent que Ibn Taymiyyah et Ibn Qayyim sont des soufis, ou qui défendaient le soufisme, des trucs de ce genre. Et, mashallah, il a vraiment anéanti leur shubuhat, d'une façon, très claire. Donc c'est très, très bénéfique ce livre-là. Je vous conseille de le lire si vous pouvez, inshallah. Et il dit également qu'il y a un autre livre aussi parmi les contemporains, parmi les ulama de l'Égypte, hein, un des ulama de l'Égypte qui était un des chouchous de Al-Azhar et qui était lui-même un soufi, hein, lui-même un Ash'ari, un soufi, et qui a fait tawba et qui est revenu au tawhid et à la Sunna, et qui a écrit un livre qui s'appelle Masra al-Tasawuf, et dans ce livre-là, il a vraiment montré à quel point certains soufis sont allés loin dans leurs égarements et des trucs de ce genre. Donc ça c'est en ce qui concerne ce point-là. Maintenant il donne, le Cheikh Al-Fawzan, d'autres exemples de gens qui sortent de la charia également, ou qui prétendent que c'est permis pour certaines personnes de sortir de la charia. Il dit « ومن وهذا الناقد يشمل العلمانيين الذين يقولون بفصل الدين عن الدولة وأن الدين والعبادات في المساجد أما المعاملات وأحكامها وأحكام السياسة فهذه لا تدخل في دين الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الناس هم الذين يتحكمون فيها وهذا قول العلمانيين ويقولون الدين لله والوطن للجميع وهم يلحقون بركض غلاة الصوفية الذين يقولون إن أحدا لا يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يقولون إن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وهؤلاء العلمانيون يقولون إنه يسع الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم في السياسة والمعاملات وهذا وكذلك علماء الكلام. Cheikh donne un exemple, il dit qu'il y a un exemple qui est impliqué, qui est compris dans ce point qui annule l'islam, c'est la position des laïcs, l'imaniyoun, ceux qui disent qu'il faut séparer l'État et la religion, et ceux qui disent que la religion et les adorations, c'est pour la mosquée seulement. Toutefois, les transactions et les interactions entre les gens et les règles politiques et économiques et autres n'ont rien à voir avec la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et que les gens doivent eux-mêmes faire leurs lois et leurs règles en ce qui concerne les choses qui sont de la politique et des autres choses de ce genre. Le cheikh il dit que ça c'est la position des ilmaniyin. Et ils disent qu'il faut séparer la religion et l'État, et ils disent aussi « ad-dinu lillah wal-watan lil-jami'a ». Comme si par exemple, si dans certains pays il y a différents groupes religieux, différentes religions, ils disent « la religion c'est pour Allah, tout le monde adore Allah, peu importe ta religion tu adores Allah, puis la nation c'est pour tout le monde hein ». Donc, c'est une façon en fait de mettre la religion de côté, pour dire ta religion c'est entre toi puis Dieu, puis par la suite dans le pays tu fais ce que tu veux, peu importe ta religion, c'est pas grave. Et c'est des gens comme ça qui même ça rentre avec les nationalistes qui disent bon, peu importe ta religion, si tu es chrétien, juif, bouddhiste, athée ou autre, on est des, par exemple, de telle nation, on est de telle citoyenneté, puis ça a précédence sur nos appartenances religieuses. Hein, il faut s'unir entre nous, puis même si on n'est pas de la même religion, ben le fait qu'on est de la même nation, la même citoyenneté, ben on doit se relier là-dessus avant de se relier par rapport à notre appartenance religieuse. Ça c'est un exemple aussi de cette catégorie-là. Et le chef il dit que ces gens-là rentrent avec les soufis. Les soufis eux ils disent, les extrémistes soufis disent que on a le droit de certaines personnes ont le droit de sortir de la charia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et eux les laïcs ils disent quoi? Ils disent que il est permis de sortir de la charia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans les questions de politique et dans les questions des interactions économiques et autres. Donc c'est un peu comme les soufistes. Et en fait, beaucoup de laïcs, maintenant parmi ceux qui se disent musulmans laïcs, ben si tu regardes leur bagage culturel et religieux, tu trouves qu'ils viennent des bagages soufistes. Et qu'ils n'ont eu de l'islam que ce qu'ils ont appris du soufisme. C'est-à-dire la religion c'est entre toi puis Dieu, c'est une expérience personnelle, ça n'a pas rapport avec rien de ce qui se passe à l'extérieur de la mosquée. Hein, c'est entre toi puis Dieu. Puis même, tu n'es pas obligé d'aller à la mosquée, tu peux prier dans ton cœur. Hein. Ces gens-là, ils disent ça. Hein, tu n'as pas besoin de religion vraiment pour montrer que tu es religieux. Tout ça, c'est superflu, extravagant, et c'est de même, parfois ils vont dire que c'est de l'avant-gardise. Il faut garder sa religion, être humble, pas montrer à personne ta religion, le garder entre toi et Dieu, même contredire la religion, c'est-à-dire prier tout seul, puis pas aller à la mosquée, prier en groupe, des choses de ce genre. Et il y a un groupe d'islamistes actuellement, c'est des gens qui appellent à l'islam soi-disant, puis qui disent qu'il y a une laïcité islamique. Hein? C'est nouveau maintenant, qu'est-ce qui est apparu depuis quelques années, un groupe de musulmans qui appellent à la laïcité au nom de l'islam. Et ça c'est une des pires aberrations qu'on peut imaginer. Il y a des gens qui disent qu'ils appellent à l'islam puis qui disent que la laïcité n'est pas en contradiction avec l'islam. Et il n'y a pas de doute que ça c'est, je ne sais pas sur quoi ils se basent pour supporter ça, ces choses, excepté s'ils ramènent toutes sortes de philosophies pour essayer de défendre ça. Et il y en a même qui disent par exemple que tout le bagage culturel de l'Europe, tout le bagage culturel de l'Europe moderne vient des musulmans. Et quand ils disent ça, ils parlent ou ils se basent sur l'Espagne, soi-disant quand les musulmans étaient en Espagne, ils ont fait avancer soi-disant la science, ils ont amené les textes des Grecs et tout ça, c'est là que les Européens sont venus apprendre, puis ils ont ramené ça en Europe, puis ils ont changé leur société, tous des trucs comme ça. Donc ils disent donc en réalité, ils ont pris tout ce qu'ils ont maintenant, ça vient de l'islam. Et donc les droits de l'homme, ça vient de l'islam, puis toute leur laïcité, ça vient de l'islam, la démocratie, ça vient de l'islam, puis tout ce qu'ils ont, ça vient de l'islam. Donc si on le prend, donc on prend l'islam. Et ils n'ont pas compris en réalité que nous quand on parle de l'islam, on parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, et du Coran, et de la sunna et des salafs. on parle pas de qu'est-ce qui s'est passé en Espagne 800 ans, pendant 800 ans, où parfois certains parmi ceux à qui, ou vers qui ils retournent, eh ben c'est des philosophes qui étaient très, parfois très loin des principes de l'islam, comme Ibn Sina, que Ibn Qayyim et Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim ont dit à propos d'Ibn Sina qu'il n'était même pas musulman. C'était un pur métier parmi les Batiniyyah. Et il faisait partie de cette secte qui nie Allah, qui nie les attributs, qui nie les anges, qui nie les prophètes, qui nie le paradis et l'enfer, hein, qui donc, c'est une secte parmi les pires, parmi les sectes qui prétendent être musulmanes, hein, qui sont loin de l'islam, qui n'ont rien à voir avec la religion musulmane. Et même le cheikh Mohammed ibn Uthaymeen, il disait que c'est pas permis aux musulmans d'appeler leur école, ou leur librairie, ou leur bibliothèque, par ce nom-là, Ibn Sina. Hein, ou Al-Farabi, la même chose. Hein. Et donc, il y a une confusion de la part de ces gens-là, parfois, parce qu'ils voient que les Occidentaux ont un grand respect pour ces personnages-là, et donc, eux, ils veulent essayer de, disons, trouver un point en commun avec eux, et donc, ils rappellent, ils disent, ah, ben, vous aimez ces gens-là, ben, ils viennent de nous, et on est reliés à ces gens-là. Alors qu'en réalité, ils n'ont rien à voir avec notre religion. Et donc c'est une contradiction de dire qu'il y a une laïcité islamique ou une démocratie islamique ou que Ashura c'est la démocratie ou des trucs de ce genre. Mais eux qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent à la balançoire avec les kuffars. Ils leur disent, on est d'accord avec une démocratie, puis après quand ils viennent devant les musulmans ils disent, non mais nous quand on dit aux kuffars démocratie, on veut pas dire la même chose que eux. On veut dire une autre démocratie qui a une autre signification pour nous les musulmans. Puis, quand tu regardes en réalité la définition des koufars de la démocratie de la laïcité et leur définition à eux, tu vois que les deux sont contradictoires, ou sont même pas la même. Donc, premièrement, ils parlent de deux choses en utilisant le même mot alors que c'est deux choses totalement opposées. Et même leur définition des islamistes, comment ils définissent la démocratie et la laïcité dans leur soi-disant définition islamique, eh ben, elle est en contradiction avec les textes du Coran et de la Sunna. Et de la compréhension des salaf salih. Donc, ils ne tiennent pas le chemin, hein. Ils ne tiennent pas le chemin. Et ces arguments, leurs arguments sont totalement, faux, hein. Et donc, ils trompent les musulmans, ils trompent les koufars, puis ils se trompent eux-mêmes. Et ils mentent sur Allah, sur le Coran et sur la Sunna en agissant de cette façon-là. C'est une des pires actes, des catégories de trahison envers la religion que ces gens sont en train de commettre. Donc, on va avancer un petit peu encore. Le chef dit وكذلك علماء الكلام والمنطق لهم نصيب من هذا وهم الذين يخرجون العقائد عن أدلة الكتاب والسنة ويقولون إن أدلة الكتاب والسنة سمعية تفيد الظن أما الأدلة العقلية فهي يقينية تفيد اليقين والعقائد لا يستدل عليها بالأدلة من الكتاب والسنة لأنها أدلة ظنية أما أدلة علم الكلام والمنطق فهي أدلة يقينية عندهم ولذلك تجد أن عقائدهم مبنية على علم الكلام والجدال وعلم المنطق ولا يستدلون بآية ولا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا خروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهم شيء وهو العقيدة الشيخ dit et les savants ou ceux qui sont savants dans علم الكلام dans la philosophie et en fait c'est les théologiens qui se basent sur la raison pour essayer de connaître Allah et connaître la croyance et ben ceux-là ils ont une part du fait qu'ils sortent en quelque sorte de la charia parce qu'ils disent qu'ils ne prennent pas leur croyance des textes du Coran et de la Sunna. Parce que pour eux, les textes du Coran et de la Sunna ne peuvent pas amener la certitude. Ils ne sont pas des choses qui amènent la certitude. Qu'est-ce qui amène la certitude selon eux? C'est uniquement les preuves rationnelles basées sur la philosophie et sur la logique grecque. Et donc, ils se basent sur la logique grecque pour essayer d'établir leurs croyances et la métaphysique et des trucs de ce genre. Puis, en réalité, quand, quand ils se basent sur ces trucs-là, ils sont en train de dire que on n'a pas besoin du Coran et de la Sunna pour avoir une bonne croyance. Notre raison est suffisante. Donc, on doit se demander dans ce cas-là, pourquoi Allah a fait descendre le Coran et la Sunna? Pourquoi il a envoyé des messagers? Si on peut connaître la vraie croyance juste par la raison, on n'avait pas besoin d'une révélation dans ce cas-là, hein? Et donc, c'est absolument, ridicule de penser ça. Et, comment expliquer que même entre eux, ces soi-disant ulama de philosophie de Kalam, ils ne sont pas d'accord, ils sont en train de se disputer entre eux, que lui, il a la vraie raison, puis l'autre, il a sa raison est fausse et tout. Donc ça prouve qu'ils n'ont pas, même entre eux, un accord sur qu'est-ce qui est rationnel et qu'est-ce qui n'est pas rationnel. Donc si c'est le cas, comment ils peuvent dire que ça amène la certitude, hein? Et donc, quand tu ouvres un de leurs livres qui parle de leur aqidah, par exemple les Asha'ira et Maturidiya et autres, tu vois leur livre de aqidah, il y a presque même pas de versets de Coran et de Sunna mentionnés comme preuve sur qu'est-ce qu'ils croient. C'est juste des trucs de paroles, et tout le livre, tu vois, c'est presque, il n'y a même pas un verset mentionné, parfois. Donc, c'est pour dire que, c'est des gens qui veulent sortir en quelque sorte de la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il y a de plus important dans l'islam, c'est-à-dire la croyance islamique. Donc, ça, c'est ce que le cheikh a dit à ce sujet-là. Et, c'est à quelle heure, là, Anna? C'est à 1h30? 39? Ok, donc, on va faire un autre petit paragraphe. Le cheikh, il dit, wa alaykum salam wa rahmatullah, والذي يجب على المسلم أن يتبع الكتاب والسنة في جميع الأمور في الآداب والعقائد والمعاملات والأخلاق وفي جميع الأمور لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم شاملة صالحة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة لأن الذي أنزلها هو الله عز وجل العزيز الحكيم الذي يعلم أنها صالحة لكل وقت إلى أن تقوم الساعة فهي تنزيل من حكيم حميد وقال تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فهي شاملة صالحة وعليكم السلام لكل زمان ومكان ولا يسع المسلم أن يخرج عنها وقال الشيخ البيسي que c'est obligatoire pour le musulman de suivre le Coran et la Sunna dans toutes les affaires de la vie, que ce soit dans les manières, les bonnes manières, que ce soit dans la croyance, dans les règles qui ont rapport avec les interactions entre les hommes, dans le commerce, dans le mariage, dans le divorce, dans les peines, dans toute autre chose, et dans le comportement et dans toutes les affaires de la vie. Et le prophète, son message, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son message est complet et il est bon pour toutes les époques et pour tous les endroits jusqu'au jugement dernier. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui l'a révélé. Étant donné que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît l'avenir, il connaît le passé et l'avenir. Donc, quand il révèle des règles et des lois pour l'humanité et qu'il les révèle pour qu'elle soit valable jusqu'à la fin des temps, c'est parce qu'il sait qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir et que ces lois-là vont être capables d'être appliquées et vont être valables jusqu'à la fin des temps. C'est pas comparable à qu'est-ce qu'un être humain peut faire lorsqu'il fabrique des lois et qu'il les change à chaque 5 ou 10 ans. Hein, c'est pas pareil. Et donc ça c'est important à comprendre. Et le cheikh il dit dans Sourate Fussilat, il mentionne le verset dans Sourate Fussilat, 41 et 42, et c'est un livre puissant. Le mensonge ou la fausseté ne peut l'approcher ni par devant ni par derrière, et c'est une révélation d'un sage digne de louange. Et donc c'est un message qui est complet et qui est valable jusqu'à la fin des temps pour toutes les époques et pour tous les endroits, et un musulman ne peut pas en sortir. Et il y en a des fois qui disent l'islam c'est pas vrai, c'est pas... Qu'est-ce qui m'affairait parfois d'entendre certains islamistes qui disent, parce qu'il y en a un qui disait par exemple, il parlait d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait qu'il était venu pour compléter le meilleur des comportements ou quelque chose comme ça, et lui il disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit le comportement islamique, il a dit le comportement universel ou quelque chose comme ça, parce que c'est pas quelque chose, en voulant dire que c'est pas quelque chose qui est uniquement relié à l'islam, mais c'est quelque chose qui fait partie de toutes les bonnes valeurs universelles. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par là, mais moi, ce que j'ai compris de ce qu'il a dit, c'est que pour lui, les valeurs de l'islam ne sont pas universelles. Les valeurs universelles, c'est les valeurs des koufars. C'est ça ce que j'ai compris, Wallahu musta'an. Et si j'ai mal compris ses paroles, tant pis, bon, qu'il clarifie sa position, mais il y en a qui répètent souvent ces choses-là, que l'islam est venu avec les valeurs universelles. Mais quand il parle des valeurs universelles, il ne parle pas des valeurs de l'islam, il parle des valeurs des koufars. Et puis il prétend que c'est ça qui est universel et que ces valeurs-là ne sont pas en contradiction avec l'islam. Alors que non, c'est pas ça. Quand on dit que les valeurs de l'islam sont universelles, ça veut dire que c'est celles-là qui sont universelles, et en fait, elles sont universelles parce qu'elles viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala et elles peuvent s'appliquer à tout endroit et à toute époque. Et parfois il y en a qui disent, mais si l'islam est universel, comment ça se fait qu'on ne peut pas appliquer toute notre religion comme on veut dans les pays non musulmans? Parce que quand on dit que les valeurs de l'islam sont universelles, ça veut dire qu'on doit les appliquer telles qu'elles sont révélées et pas essayer de les déformer pour qu'elles soient en accord avec une autre société qui suit autre que les fondements de l'islam, d'accord? Donc là, dans ce cas-là, il y a un conflit entre deux systèmes, puis on essaie de dire, ben on va suivre le système qui est contraire à l'islam, puis on va essayer d'adapter les règles de l'islam à ce système-là. Ça, c'est contradictoire. Les règles d'Allah sont universelles, et les règles des koufars, ben elles changent à chaque 5 ans, ou à chaque 10 ans. Donc comment tu pourrais dire qu'elles sont universelles? Même, qu'est-ce qu'ils disent par exemple, l'égalité entre l'homme et la femme? Eh ben ça fait combien d'années là qu'ils ont découvert cette loi universelle, cette règle universelle? Avant, il n'y a même pas 50 ans, ils n'avaient même pas encore compris cette loi universelle là. Comment ça se fait que tous les peuples de la terre ne l'ont jamais compris jusqu'à aujourd'hui, Et donc la même chose pour les autres principes qu'ils ont inventés, même lorsqu'ils ont écrit les soi-disant déclarations des droits de l'homme et d'égalité des citoyens. Lorsqu'ils ont fait la Révolution française, ils ont dit tous les hommes naissent égaux en droit et libres et égaux. Et bien, à cette époque-là, il y avait les esclaves et il y avait les femmes qui avaient soi-disant pas le droit de voir tout ça comme ça. Donc ça veut dire que c'était pas des êtres humains dans ce cas-là, selon eux. Donc c'est pour vous montrer que leurs trucs sont pas universels, mais c'est eux qui veulent dire qu'elles sont universelles. On va s'arrêter ici, puis on continue après la prière, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik. Shalom la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.